plus utile, conseillé par les policiers. Passez un excellent week-end. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Au moins deux morts et plusieurs blessés dans le nord de l'Espagne. Un train passager a déraillé ce matin à quelques kilomètres de la ville de Vigo. Le bilan est toujours provisoire. Le train transportait une soixantaine de personnes. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Celui qui est déjà monté dans une télécabine comprendra très vite la nuit inconfortable qu'ont vécu 33 personnes bloquées en l'air dans le massif des Monts Blancs. Deux câbles se sont croisés, peut-être à cause du vent. Ce matin, les 33 naufragés du vide ont retrouvé la terre ferme. Le problème a pu être résolu. Parmi eux, il y avait un enfant de 10 ans. La température durant la nuit avoisinait les 0 degrés. Les passagers ont eu un peu froid, mais il n'y a pas eu de détresse vitale, commente le responsable des opérations. 77 autres personnes avaient pu être évacuées hier soir et en début de nuit. Couteau en main, elle s'apprêtait visiblement à commettre un attentat. Trois femmes de 19 à 39 ans ont été interpellées hier soir en France, à Boussy-Saint-Antoine, à 25 km de Paris. Elles ont un lien avec cette voiture suspecte remplie de bonbonnes de gaz et découverte le week-end dernier à Paris. Selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, elles préparaient des actions violentes et imminente. Elles s'en sont prises aux policiers qui les avaient repérées et localisées. L'un d'eux est blessé. Ces femmes étaient radicalisées. La plus jeune est la fille du propriétaire de la fameuse voiture. D'après une source proche de l'enquête, elle avait prêté allégeance au groupe terroriste État islamique. C'est ce qu'on appelle démarrer l'année sur les chapeaux de roue, le streaming musical. L'écoute en ligne de vos morceaux favoris ou de votre radio, le streaming a connu une croissance de 82% durant les 6 premiers mois de l'année en Belgique pour atteindre un chiffre d'affaires avoisinant les 18 millions d'euros. Autre constat, le vinyle poursuit sa résurrection avec une hausse de 28%. États-Unis et Russie préoccupés par l'essai nucléaire aussi qu'a mené la Corée du Nord. Les deux pays vont saisir les Nations Unies. Les sismologues ont détecté la nuit dernière un puissant tremblement de terre artificiel près du site d'essai. Il s'agit de l'essai le plus puissant mené pour l'instant par ce pays. La météo est toujours pas de quoi se plaindre. 24 à 25 degrés. Demain, quelques nuages au matin sur l'ouest. Mais de 23 à 28 degrés pour les maxima. Anne-Michel Wulberg, un chantier ralentit les automobilistes dans le 19. Effectivement, sur le tronçon Mons-Bruxelles, dans le chantier de Feluy, en direction de Bruxelles, à partir de Senef, vous perdez une quinzaine de minutes. Et vers Mons, c'est également dense. Et vous perdez là une dizaine de minutes. Du côté du ring de Bruxelles, en circulation intérieure, quelques files entre Zaventem et Woluwe-Saint-Etienne vers Waterloo. En circulation extérieure également, entre Zaventem et Mechelen, en direction de Vilvoorde. Et puis attention à cet objet encombrant, un pare-choc qui est signalé sur le 313 Liège-Anvers, à hauteur de Fex-Slin. La bande gauche est encombrée en direction d'Anvers. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et place à l'équipe dont n'est pas des pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Ah, ça va bien? Ça va bien, bien, bien. Et bien. Vendredi. Hein. Il faut vendredi, c'est ravioli. Oui. N'importe quoi, ça commence un peu trop dans le n'importe quoi cette émission. Dis Aurore, maintenant que tu as la parole. Oui. Dans le journal de la conso, on va parler des araignées. Ah, c'est dégoûtant hein, pour certains. Mais non. Moi j'aime bien aussi les araignées. Moi j'en ai une dans le plafond et je m'en sors bien. Bon, pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien parce que figurez-vous qu'elles rentrent dans les maisons, ce sont surtout les mâles qui rentrent pour venir féconder les femelles. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je ne sais pas. Ah bah rien. Pourquoi on ne fait rien? Bah sinon vous allez tuer les araignées, c'est bon. Et on vous pose d'ailleurs c'est pas bon à manger. On vous pose d'ailleurs une question sur la page Facebook à propos des araignées. Oui, on vous demande si ça vous fait peur les araignées ou pas. Et puis qu'est-ce que vous faites pour vous débarrasser des araignées? Quel est votre petit truc? Nous sommes le 9 septembre, nous avons décidé aussi de partir en vacances, il n'y a pas de raison. Si on se faisait une petite croisière. Excellent. Ah ouais, il y a un nouveau bateau de croisière qui était mis à l'eau il n'y a pas longtemps, du côté de Saint-Nazaire, dans les chantiers de construction. Et ben on va aller faire un tour avec Jean-Christophe là-bas. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, les bateaux de croisière. Surtout que la croisière, ça a le vent en poupe là pour l'instant. Saskia, on présente des lunettes qui luttent contre la fameuse lumière bleue des écrans aussi. Oui, on va parler des lunettes anti-lumière bleue et on aimerait bien savoir si c'est un phénomène de mode ou si ça fonctionne vraiment. C'est vrai que la lumière bleue des écrans, ça empêche de dormir le soir par exemple. Donc, oui, il faut fermer les yeux en fait. Moi, voilà. Je garde les yeux fermés devant l'écran. Ah, c'est une technique comme une autre. Et puis, on connaissait les crèmes glacées en boule. Voici arriver les crèmes glacées en rouleau. Ça existe, ça vient de Thaïlande, mais on peut déguster ça aussi chez nous. Et je suis content parce que le monsieur va venir en plateau. Oui, il va nous fabriquer ces rouleaux glacés en direct. Oh là là, ça va être bien, ça va être dans une heure ça. Si vous avez envie d'interagir avec la rédaction, on a parlé du Facebook, mais il y a le numéro du répondeur aussi par exemple. 070 222 660, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone, 3063 pour les SMS, ça coûte 50 centimes le message. Et puis notre adresse mail, c'est pigeon au pluriel, @rtbf.be. Il y a peu de musique aussi ? Avec la musique de Matt Cohn et Begin, il y aura aussi Suarez. Vous mélangez le tout, vous secouez fortement et vous avez les prochaines minutes d'antenne sur Vivacité. C'est pas beau ça ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Vivacité, est-ce que je l'ai déjà dit ? Oui. On n'est pas des pigeons, est-ce que je l'ai déjà dit ? Oui. Est-ce que j'ai déjà dit bienvenue tout le monde ? Ah, oh oui. Hein. Bienvenue tout le monde. À mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la nouveau, ça vient pas de sortir, on l'a entendu tout l'été, on l'entendra encore quelques fois dans les semaines à venir. C'était Amir, j'ai cherché. Un mot, un geste, on n'est pas des pigeons, fais le reste. Votre courrier est arrivé. Hier en télé, Frédéric de Borsu était parti à Villers-la-Ville pour nous montrer que le parcours entre la gare et l'arrêt de bus était un peu le parcours du combattant. Il y avait 5 km entre les deux arrêts et c'est pas un cas isolé visiblement. Mais oui, Isabelle nous écrit « Si ce n'était qu'à Villers, le Brabant wallon est très mal desservi. Comment nous inciter à prendre les transports en commun alors qu'il faut changer deux fois de bus pour faire Limal, la Hulpe, soit un trajet de 12 km ?» Ah ouais, ça c'est vrai que c'est un peu court. Alors Anne-Marie nous explique que vive les transports en commun. Lorsque dans votre parcours, vous avez une correspondance d'une minute, les chauffeurs sont rarement fair-play. Ça, c'est vrai. En télé, on vous montrait également qu'une enveloppe sans adresse, mais avec un petit dessin explicatif pour dire où est ça pour où c'est censé arriver. Où c'est censé arriver. Eh bien, ça arrivait à destination. Ça a donné lieu à quelques anecdotes, ça, sur Facebook. Oui, Maud nous écrit, si on a reçu une lettre avec un objet dedans, objet qui a déchiré un peu l'enveloppe et risquait d'en tomber, la poste a mis un joli sachet hermétique autour avec un petit mot d'explication. Ils assurent. Bernadette nous raconte que sa maman a reçu le 5 septembre la carte qu'elle lui avait envoyée le 8 mars pour son anniversaire le 10 mars. 6 mois pour aller de Bourdon à Waha, mieux vaut tard que jamais. J'ai fait le compte, Bourdon-Waha, il y a quand même 7 km. Hein, donc 6 mois pour 7 km. Et puis Daniel nous explique que son facteur a un jour déposé dans sa boîte une enveloppe sans nom de famille, sans numéro de boîte, en le remerciant, donc le facteur. Je m'en suis étonnée. Comment savait-il que cette lettre, envoyée par ma très jeune filleule, m'était adressée ? Le facteur lui a dit, j'ai vu que c'était un enfant qui avait écrit, vous êtes la seule dans l'immeuble à porter ce prénom. Et des belles histoires comme ça, il y en a plein sur notre mignon, page Facebook. Ouais. Hier, Jacques nous parlait des plaques d'immatriculation personnalisées, ça aussi, ça vous a fait réagir. Alors, attention parce que la liste est longue. Delphine a vu Namasté sur une plaque dans les embouteillages, signe qu'il fallait qu'on reste calme, puisque Namasté, c'est ce qu'on dit quand on fait le yoga. Hein. D'accord. Annick, j'ai suivi dernièrement une Porsche avec pur 100, donc PUR 100 sur sa plaque. Christelle a vu sur une mini la plaque méga. C'est drôle. Ouais. Marie, presque tous les matins, je vois une voiture immatriculée Inlet. J'ai pas encore compris. S'il se reconnaît, je le salue bien. Donc Inlet en retard. Alors Teddy, lui, a croisé une Porsche grrr, une Tesla I'm Happy, une Fiat 500 Pépette. Ah, ça c'est on le disait hier, hein, Pépette. Et une petite voiture donc dont je ne connais pas la marque avec Blondine sur la plaque. Aurélie a un ami qui a une plaque qui n'est pas personnalisée, mais c'est quand même drôle, c'est paf. Et il croise les doigts quand il conduit. Et qu'il croise un chien. Bah oui, c'est paf, ça. Le chien. Alors Marjorie a vu une plaque personnalisée très limite. On se demandait hier si on pouvait mettre des trucs un peu bizarres. Bah, elle a vu fuck. Ah ouais, carrément. Ah, voilà, sur une plaque personnalisée. Ah ouais. Sandrine a croisé une Toyota Celica dans la région de Gerpine sur laquelle il y avait amour. C'est mignon tout plein. Et puis ma préférée. Oui. Louise a croisé une Porsche Cayenne dans la région de Charleroi et la plaque d'immatriculation c'était quoi ? Kéké ! Ah ça c'est beau ça, ça c'est beau. Mais 2000 boules quand même, hein. ça coûte ça. Hein. Ouais, ça coûte cher. Moi, en tout cas il a de l'humour. J'ai vu une fois une nana au volant d'une voiture, c'était marqué biche, faut l'assumer aussi, hein. Ouais. Faut être sûr de son coup. Hein. Ah ouais. Bon, bah voilà, si vous croisez des trucs, faites des photos, hein. Envoyez-les nous, ça peut être comique. On va passer à la suite c'est Matcon et puis on partira en croisière en rejoignant Jean-Christophe sur son paquebot. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 € par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité présente en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. En selle, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout, citoyens. Le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel.

Ah, pour le moment, ça cartonne. On peut dire que la croisière, depuis ces dernières années, est en plein boom, en pleine progression. Figurez-vous que si on regarde les chiffres, en 1980, il y avait 1 400 000 croisiéristes dans le monde. Et cette année-ci, on estime qu'on dépassera les 24 millions. Ah ouais. Donc, on a besoin de quoi ? Bah, de bateaux. Ah, c'est bizarre. Et pour te dire que tellement la croisière est à la mode, ma maman qui n'aime pas le bateau va partir en croisière. Pour te dire. Pour te dire. En Méditerranée, j'imagine. Ah oh, bah oui, évidemment. Bah oui, c'est ça qui marche, les croisières en Méditerranée. Bah oui, c'est la première destination en Méditerranée. Les fjords norvégiens, ça marche très bien aussi, mais c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Bon alors, particularité, c'est qu'on vous a envoyé à Saint-Nazaire. Saint-Nazère, réputé pour les chantiers. C'est son chantier naval. Du dernier fleuron de la compagnie MSC, qui s'appelle le MSC Meraviglia. Alors la mise à flot, c'est quoi ? C'est le moment où le bateau rentre dans l'eau. En fait, il ne rentre pas dans l'eau, c'est plutôt l'eau qui monte, puisque le bateau est construit en cale sèche, et puis à un moment donné, on ouvre les vannes et on fait rentrer l'eau dans la cale sèche. Et puis le bateau est déplacé, donc il est mis à flot après à peu près 1 an et demi de travail. Il est déplacé, on doit encore continuer à travailler dessus pendant 9 mois, parce qu'à l'intérieur du bateau, c'est un immense chantier. Il y a à peu près un tiers des cabines qui sont montées alors que le bateau flotte. Mmh. Et donc, il faut encore que 2000 ouvriers travaillent dessus pendant 9 mois avant qu'on puisse faire sa croisière inaugurale qui sera au mois de juin 2017. Mais alors, ce qui est marrant, et on le verra ce soir en télé, c'est construit en kit, hein, un bateau de croisière. Oui, c'est vraiment... moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment un puzzle en 3 dimensions. Donc, toutes les pièces, des gros blocs qui sont construits dans différentes usines, dans différents assemblages à Saint-Nazaire, et puis qui sont montés dans la cale sèche. Ce qui fait que par endroit, on a des portions de bateaux qui font quelque chose comme 60-70 mètres de long et qui sont quasi finis et qui font 65 mètres de haut. Et puis juste à côté, ben, y a un trou pour mettre d'autres cloisons, d'autres packs. Comme ça, c'est assez particulier à voir. Alors, sur le bateau qu'on verra et que vous avez visité, combien de passagers là-dessus ? C'est quoi la capacité moyenne d'un bateau de croisière ? C'est combien de passagers ? Pour le moment, donc, les bateaux sont toujours plus grands, plus gros. Celui qu'on a visité, c'est pas le plus gros. Il fait 315 mètres de long, mais il est plus large que la moyenne. Donc, il y a dessus 2400 cabines. Donc, on estime un peu plus de 5000 passagers. Le plus gros du monde, c'est l'Harmony of the Seas, qui a été lancé au mois de mai, aussi à Saint-Nazaire. C'est d'ailleurs celui-là qui a permis de sauver les chantiers de Saint-Nazaire qui étaient virtuellement en faillite. Et maintenant, à Saint-Nazaire, ils ont du travail pour les 10 prochaines années. L'Harmony of the Seas, il fait 362 mètres de long. Il fait plus de 200 000 tonnes et il y a 6 000 passagers dessus. L'avantage, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas c'est ce que les croisiéristes nous disent, c'est que plus on met de personnes à bord, et bien plus ça permet d'amortir les coûts et moins cher est la croisière, ce qui fait que les croisières actuelles sont moins chères qu'il y a une dizaine d'années. Mais ça coûte combien une croisière en moyenne ? Alors, il faut tabler sur à peu près 700 euros prix de base pour une croisière en Méditerranée. Mmh. Figurez-vous qu'il y a une croisière qui va partir, si vous allez jeudi prochain à Zeebrugge, mais il y a possibilité d'embarquer sur un bateau de plus de 300 mètres de long aussi, donc c'est quand même pas... Alors, les gros bateaux qu'on voit à Marseille, Barcelone ou dans les Caraïbes, ben voilà, ils s'arrêtent chez nous aussi. Voilà, on en aura un à Zeebrugge jeudi de la semaine prochaine, vous pourrez le voir. Là-bas, c'est 499 euros le prix de base de la croisière. Pour ça, vous avez les repas inclus, la cabine, mais vous n'avez pas les boissons. Alors, il y a des tas de forfaits différents. Vous pouvez prendre carrément un all-in, vous pouvez prendre des forfaits avec juste les softs, vous pouvez prendre des forfaits avec des visites, vous pouvez payer les visites vous-même, vous pouvez rester à bord. Donc, c'est difficile de donner une idée globale du prix, puisque c'est vraiment variable, d'autant que c'est comme un hôtel. Donc, il y a moyen de partir en last minute, et il y a moyen aussi, en fonction du nombre de personnes qui ont déjà réservé ou non, bah, d'avoir des prix plus avantageux. Ah ouais, vraiment comme les hôtels et comme les vacances qu'on réserve partout. Aurore, ça vous tenterait un bateau de croisière ? Mais j'ai le mal de mer. Ah oui, j'ai le mal de mer, que ce soit sur un petit ou un gros bateau, j'ai déjà essayé, j'ai vraiment le mal de mer. J'ai pas l'impression. Parce que là, ça ne bouge pas du tout. J'ai pas l'impression qu'on sent qu'on est... On ne sait même pas où est l'avant, où est l'arrière. C'est ça, c'est tellement gros qu'on ne sait même pas... Mais il y a trop de monde hein, là-dessus. Oui, et si, vous imaginez le plus gros, là, 6000 personnes. Ouais. Mais... Ah ouais. Beaucoup, hein. Bah, j'espère qu'il y a des canots de sauvetage, hein, Titanic et compagnie. Oui. Ouais, ça coûte combien un bateau si jamais, par exemple, avec mes petites économies, j'ai envie d'en acheter un ? Oh, disons que celui qu'on a vu, comme c'est pas le plus gros, il est aux alentours de 800 millions d'euros. D'accord. Mais la moyenne maintenant, pour des bateaux de 330-350 mètres, bah, vous arrivez au milliard, à peu près. Il faut savoir que MSC Croisière, qui a lancé le Meraviglia, vient de commander 11 nouveaux navires pour les prochaines années, donc 10 milliards et demi d'investissement. Ça fait du travail pour pas mal de monde quand même. On rappelle le nom du bateau pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le Meraviglia. Oui, parce que celui-là, l'autre, il coule. on voit ça ce soir à la télé à 18h30, Jean-Christophe. Bien volontiers. Allez, on fait comme ça. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré.

encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un lien de tout. Céline Dion. Sur Vivacité, écrit par Jean-Jacques Goldman. Un soir. Encore un soir. À Michel Loubert sur les routes, comment ça se passe? Eh bien, on a un accident, Sébastien, sur le 40 Bruxelles-Ostende, à hauteur d'Alter. Le passage est difficile dans la bretelle de sortie en direction du littoral. Des ralentissements dans les travaux, toujours sur les 19 Mons Bruxelles, dans ce chantier de Feluy. Vous ralentissez vers Mons, où vous perdez une quinzaine de minutes. Encore quelques fils en circulation extérieure sur le ring de Bruxelles, entre Woluwe, Saint-Étienne et Zaventem vers Vilvoorde. Et puis, on a un véhicule en panne sur le 42 Mons-Liège, au début du viaduc de Vieville. C'est la bande de droite qui est neutralisée en direction de Liège. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 11h30, place au journal de la Conso. Bonne nouvelle dans la presse ou mauvaise nouvelle? Les conducteurs ne s'hydratent plus, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils boivent de moins en moins d'alcool. Ah, c'est une bonne nouvelle quand même. Ok, pas pour les fabricants d'alcool, mais... Boire ou conduire, il faut choisir. Tant pis, je pars à pied. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Cet été, seuls 3,1% des conducteurs contrôlés étaient positifs. En 2011, ils représentaient 5,1%. Donc on voit que ça a bien diminué. C'est une bonne chose. Apparemment, les conducteurs sont de plus en plus conscients des dangers de l'alcool au volant. Et puis aussi, il y a les campagnes Bob qui font leur petit effet. Durant cette dernière campagne estivale, 313 000 personnes ont été contrôlées. C'est un chiffre record pour l'été. Et alors, c'est marrant parce que quand on discute avec les gens de l'IBSR, c'est la période la plus critique. On pense toujours aux fêtes de fin d'année où les gens reprennent le volant peut-être un peu éméché. C'est pas en fin d'année que c'est le plus dangereux. Les barbecues l'été, mais l'été. Ça le plus délicat. À propos de fêtes de fin d'année, l'ADH donne déjà quelques idées à glisser sous le sapin en faisant le point sur les consoles de jeux. Oui, c'est une annonce qui est passée un petit peu inaperçue à cause de la présentation du nouvel iPhone. Mais mercredi soir, la nouvelle PlayStation était aussi présentée à la presse. C'est la PS4 Slim parce que 30% moins volumineuse. C'est d'ailleurs quasiment la seule différence avec le modèle précédent, si ce n'est quand même une capacité de stockage doublée, donc ça c'est pas mal. Alors le modèle sortira le 15 septembre, 299 €. De quoi rivaliser... Attends, c'est hallucinant parce que la PS4, quand elle est sortie, elle était à 400 boules, quoi. Là, c'est 100 € de moins. C'est bien. Pas mal. Hein. Je me suis fait avoir l'année. Tout ça pour... Ah oui, mais alors, vous allez entendre, n'investissez pas tout de suite, vous allez comprendre. Donc là, on est à 299 €. Ce sera le même prix pour la concurrente, Xbox One S, qui en fait, elle, vient de sortir. Ouais. Même prix, même stockage, mais un lecteur Blu-ray 4K en plus. D'accord. C'est ça quand même qui fait la différence. Attendez, je vous le disais, avant d'investir, puisque chez Sony, la PS4 Pro va sortir aussi là pour le mois de novembre et elle va offrir la ultra haute définition et la possibilité d'accéder à la réalité virtuelle. Et puis mi-2017, Xbox sortira la version Scorpio, annoncée comme la console la plus puissante jamais créée. Dingue. Ouais. Maintenant, on s'adresse à tous les arachnophobes. Accrochez-vous les amis, les journaux de Groupe Sud Presse annoncent une invasion d'araignées dans les maisons. Oui, en tout cas, elles rentrent en masse dans les maisons en ce moment pour la saison des amours, Sébastien. Les mâles sortent donc de leur cachette. Ils sont beaucoup plus visibles dans les maisons à la recherche de femelles à féconder. Alors, il s'agit surtout des mâles de tégénaires, donc c'est une espèce d'araignée au système pileux très développé, aux pattes longues et au corps épais, tiens, qui se déplace très vite et de façon souvent imprévisible. C'est pour ça que t'es piqué la nuit en fait, que tu te réveilles, t'as des piqûres partout. En Belgique, en fait, il y a très peu d'araignées qui arrivent à transpercer la peau. Donc justement, pas de panique, il faut pas, sauf si vous avez une peur, vraie phobie, mais sinon, pas de panique parce que de toute façon, les araignées sont relativement nocives vu qu'elles mangent les insectes. Et le seul truc qui est donné par Sud Presse pour se débarrasser d'une araignée, c'est de mettre un verre sur l'araignée avec un carton en dessous et on la met dehors. Oui. Surtout pas d'insecticide parce que c'est mauvais pour tout le monde. Des araignées dans une maison, on dit souvent que ça veut dire que la maison est saine. Est saine, exactement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est jamais gai à voir une grosse araignée, mais bon. Bon, ça dépend comment on considère les choses, parce que si vous dites qu'elles vous font pas de mal. Et de toute manière, il a été prouvé scientifiquement qu'au cours d'une année, dans ton sommeil, tu bouffes quelque chose comme 17 araignées. Ah, ah oui, c'est-à-dire qu'elles rentrent... Ça remet les choses à leur place. C'est, elles rentrent dans le nez. Par le nez genre, par tous les orifices. Oh non, arrête. Possible et imaginable. On a dit qu'on les mangeait. Il y a 17 araignées qui rentrent dans ton corps par an. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Oui. On termine avec l'édition 2017 du Guinness Book des records qui vient de sortir. Oui, si vous souhaitez acheter le livre, vous y trouverez. Le chat le plus long du monde. D'après vous, il fait le combien chat, le chat le plus long du monde. Je sais pas du tout. Un chat, j'imagine un chat. Hein. Hein? Donc ouais, tout le monde visualise bien 1m16. Tu déconnes ou quoi? Un chien haut de 96 cm. Mais non, c'est un cheval ça. Un homme resté en feu pendant plus de 5 minutes. Ah, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Oui, c'est ça. Voilà. Ou l'homme à la plus grande ouverture de bouche. 8,8 cm. Combien? 8,8 cm de diamètre. Et là, tout le monde est en train d'ouvrir la bouche. C'est ça, oui. Et oui, voilà, il y en a certains qui ont des images. Citons encore le plus gros profiterole, 150 kilos. Bien sûr. La saucisse la plus longue, 62 kilomètres. Eh non. Ça laisse rêveur, hein. Oui, oui. Un Anglais qui soulève 14,9 kilos à la force de ses oreilles. Oh, j'ai eu peur. Ou encore cet Anglais de 14 ans qui peut tourner ses pieds à 157 degrés. C'est pas beau à voir, j'ai vu des photos. Et puis cet Italien qui fait tenir sur un cornet de glace combien de boules, d'après vous? Après la troisième ou la quatrième, ça compte déjà. Je sais pas du tout. Vous dites 4, petit joueur. Oui. 121 boules. Non. Oh, si. Sur un cornet. Voilà. Donc tout ça dans le nouveau Guinness Book des records que vous pouvez trouver dans les magasins. C'était dans la presse du jour. Il y a Suarez qui arrive et puis on s'intéresse à la lumière bleue qu'il y a sur les écrans d'ordinateur et il y a moyen de contrer ça parce que ça fait mal aux yeux. Hein, cette lumière bleue, ça empêche peut-être de dormir le soir. Si, ça empêche sûrement de dormir. Il y a des lunettes qui débarquent sur le marché. Sur le... T'as entendu ce que j'ai dit? Eh ben oui, bon, on en parle dans 5 minutes avec Saskia. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthénamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthénamut, on vous simplifie la santé. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne, le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. La 2 en télé. L'ambiance des JO continue. Retrouvez Nafissa Toutiam, Philippe Milanov, les Belgian Tornados et tous les athlètes de la Team Belgium sur la piste ou en coulisses. Savourez la fierté d'être belge lors d'un événement exceptionnel. Le Mémorial Van Damme, vendredi soir sur la 2. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché, Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood, BJ Scott, Steve Barrow, Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec Vivacité. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements, teff.be. Avec Cap 48 et Vivre ici. Saisir ta chance, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en pensent, remplis ta différence, quoi que tu ailles, ou que tu vibres, dans tes entrailles, un brin de dérive, faut pas qu'il faille, quoi que tu vives, oh oh, un un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles. C'est ça qui m'inspire, un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles. C'est ça qui m'inspire. Jette dans mon ciel des poussières d'argent, caresse ma démence, viens qu'on leur fasse éperdument. Souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Dans mes entrailles, un souffle de rire, quoi que tu fasses, il faut que tu vives. Pour qu'il pense, quoi qu'il vive, dans mes entrailles, un souffle de rire. Souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles. URS sur Vivacité avec un souffle de délire. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. On va vous parler à présent de lunettes anti-lumière bleue alors que vous entendez dans ce studio une petite renflette. On dirait un aspirateur. Ne touchez à rien, c'est logique. C'est un avion au décollage. Non, c'est le monsieur qui vient nous faire de la glace en rouleau. Oui. Tu vois, on va goûter ça dans une dizaine de minutes. Et donc ici, c'est l'appareil, la TAC, qui permet de refroidir tout ce qui va... utiliser pour faire ces rouleaux de glace. Ouais. On va faire avec Saskia et on va parler de cette lumière anti-bleu. C'est le nouveau produit qui fait un petit peu polémique parce que tout le monde demande s'il faut en porter ou pas. Et pour quelles raisons on devrait en acheter d'ailleurs ? Eh ben, la télévision, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et j'en passe. Vous le savez, on ne cesse d'être harcelé par ces écrans qui nous suivent au quotidien. Et bon, vous allez me dire, bon, c'est super chouette au niveau technologique et c'est très pratique, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour nos jolis petits yeux. Mmh. Du coup, les scientifiques en ont profité pour sortir des lunettes spéciales contre la lumière bleue. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode ou sont-elles réellement efficaces ? Bah, c'est un peu la question qu'on se pose. Et ça sert à quoi les lunettes anti-lumière bleue ? Mais en fait, ce sont des lunettes qui protégeraient les yeux de la lumière bleue que les écrans diffusent. Et depuis que des scientifiques auraient affirmé que la lumière bleue peut engendrer des problèmes, comme des troubles du sommeil, la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou encore des maux de tête, eh bien, ces lunettes fleurissent un peu partout et tout le monde veut les acheter. Et ils en disent quoi, les experts ? Bah, j'ai contacté plusieurs ophtalmologues et eux le conseillent aux personnes qui passent beaucoup de temps devant un écran. Donc, si vous êtes au bureau et que vous passez toute la journée derrière votre ordinateur, là, c'est bon. Et d'ailleurs, les experts le disent eux-mêmes, ils en possèdent des lunettes anti-lumière bleue, ils en possèdent, et ils trouvent que ça aide à reposer les yeux. Donc c'est efficace ? Ben oui et non, en fait on sait pas trop, parce que même ces ophtalmologues affirment tout de même qu'il n'y a aucune étude qui a démontré les effets néfastes de la lumière bleue sur la rétine. Donc bah, concrètement, rien n'a été encore prouvé. Donc, du coup, je me suis rendue chez un opticien pour avoir un autre avis, et là il m'a dit clairement que pour lui, bah, c'était un phénomène de mode, et que si on avait des maux de tête ou des picotements aux yeux, bah, c'était sans doute dû à un besoin de correction chez les personnes qui ne portent pas encore de lunettes. Bon, à part cette incertitude, est-ce qu'il y a d'autres inconvénients à porter ces lunettes ? Bah, c'est vrai que côté esthétique, c'est pas le top, je les ai essayées, et il y a un fort reflet bleu. Et en plus de ça, eh ben, le vert altère la couleur, c'est-à-dire que si je regarde un écran blanc, quand je mets mes lunettes, il y aura un petit reflet jaunâtre. Donc, d'accord. Par exemple, pour un design

something more. One day I'll stop it all, it's true, and I will do it just for you, and I will do it just for you. Behind me. Kid Noise sur Vivacité avec Ocean. Vivacité, on n'est pas des pigeons. Alors ça bricole dans on le fait studio. Des travaux. On fait des travaux dans le studio. Non, c'est drôle parce qu'on a Julien Évrard qui est venu nous rejoindre avec sa machine un petit peu particulière. Julien fait des ice rolls. C'est quoi des ice rolls, Julien? Alors c'est de la glace faite minute sur planche à givrer. Je fais devant les gens avec les produits que vous choisissez, que vous désirez. Et ensuite, j'étale cette pâte sur une plancha. Et un peu comme le même principe pour faire les copeaux de chocolat. Donc je grette avec la plancha, ça fait des... Donc c'est une plancha, c'est une plancha congélateur, quoi. Donc en gros, ici, il y a une planche au-dessus, elle est... Oui, c'est ça. Donc, la grosse teppanyaki congélateur. La grosse machine qu'on entend, effectivement, c'est un gros congélateur qui travaille. Et là, j'essaye un peu de décrire... En gros, la glace, elle est étalée sur une couche de quoi ? De 1 mm ou 2 ? Ou un peu plus, on va dire. Oui, c'est ça, entre 2 et 4 mm à peu près. Donc là, c'est en train de geler. Mais au départ, c'est pas de la glace. Au départ, c'est des ingrédients non, bruts. Non, c'est ça. Au départ, c'est quoi ? Là, vous faites quoi, là, exactement ? C'est une base de crème glacée. Donc c'est ah, quand même. Comme si on le met juste une crème anglaise. Sorbetière. Donc c'est le même principe. Et ensuite, c'est vraiment nature. Donc c'est vraiment pour ajouter les goûts qu'on désire mettre dedans. Et ensuite, oh, voilà. C'est joli. Et là, il fait comme quand je fais des travaux chez toi avec une spatule. J'ai une question. Tu racles et ça fait des super petits rouleaux de glace. C'est mignon. Ouais, si. Carlo. Oui, non, quand on va dans les restaurants japonais, il y a des teppanyaki, vous avez la même chose, mais en chaud, et le type te jette les morceaux de viande dans la bouche directement. Ah. Faites pareil avec les rouleaux. Je peux essayer, vous allez en voir un peu partout dans le studio. Comme les otaries. On a déjà mis une grosse, un peu de bazar dans le studio, si tu veux en plus qu'on le dégueulasse, c'est le bon plan. Donc là, on a quoi? Je vous ai fait une glace banane, spéculoos, caramel beurre salé. Waouh. Ah, je prends. Oui. Mais alors, c'est pas nouveau ce truc, ça vient d'où ? Non, c'est pas nouveau. Donc moi j'ai découvert le concept en Thaïlande il y a 3 ans maintenant. Donc j'ai découvert, j'étais directement séduit parce qu'on sent vraiment bien le goût du produit directement qu'on ajoute. Et c'est frais. Donc le fait que ça soit en sauce tannée, que ça soit fait minute, on peut pas tricher. Donc au niveau de la qualité des produits, je peux pas mettre une fraise qui est à moitié. Non, on les voit. Les ingrédients, on les voit clairement, quoi. Ça c'est sûr. Là je ne peux pas, tricher par rapport à ça. Et c'est pas la grosse glace plein de colorants qu'on trouve dans les centres touristiques, hein, Carlo. On goûte bien le morceau de banane. Oui, et alors là c'est pour goûter vraiment toutes les saveurs, parce que comme la plancha est à moins 18, c'est un peu comme un congélateur de maison, donc il faut laisser un petit peu le temps que ça se dégèle un petit peu, et là vous aurez un peu le côté onctueux et crémeux qui va arriver. J'ai des petites cuillères, hein, si vous voulez. Ah oui, parce qu'avec les doigts, en fait, on se gèle les doigts, les dents. On va prendre des petites cuillères. Et puis à un moment, ça va fondre. Non mais moi qui suis fan de glace, je trouve c'est ça bon, sympa, c'est, ça change. Aimer, ça change des cornets avec la grosse boule. Jacques, il en pense quoi? Jacques n'a pas encore goûté. Non, Jacques n'a pas encore goûté. Si j'ai mordu, pas de ça avec tes doigts, ça m'a coulé. Bah moi, je trouve que c'est bon. Alors, c'est vrai que ça ressemble. En même temps, ça ressemble pas à de la glace et on sent que c'est quand même de la glace. Alors, je sais pas comment expliquer. On dirait les crêpes. Mais c'est assez sympa parce que c'est vrai que c'est de la glace. Et puis c'est très joli de vous voir travailler. Parce c'est de la que glace, mais c'est pas de la c'est glace. C'est rigolo de voir le rouleau qui se construit. On va mettre des photos sur la page Facebook parce que comme ça les gens comprennent. Bon, et cela dit, maintenant qu'on a goûté le spéculoos et banane, qu'est-ce que vous nous faites? Plein de fruits, il y a des fraises. J'ai plein de bonnes choses. J'ai plein de fruits. J'ai des myrtilles, des mangues, du melon, fraises. Allez-y, à l'inspiration. Cela dit, maintenant, on va revenir un peu sur ce concept que vous avez découvert en Thaïlande. Vous êtes le seul à faire ça ici, chez nous, en Belgique. À ma connaissance, pour le moment, je suis le seul. Maintenant, peut-être que, comme moi, dans une autre région, il y a quelqu'un qui s'est lancé. Mais en tout cas, à ma connaissance, je suis le seul à faire ça pour le moment. Mais donc, vous êtes un glacier, vous êtes un salon de dégustation. Comment ça marche? Ou bien c'est au dessert, vous êtes restaurant? C'est, en fait, donc là, pour le moment, je fais un maximum d'événements pour faire connaître le concept. D'accord. Un peu partout, parce que c'est très peu connu. Donc, j'essaie vraiment de faire le... Mais pas encore pignon sur rue avec ça? Non, pas encore. Alors, on vous retrouve quoi dans des événements? Alors, on fait appel à vous via une page Facebook, un site internet? Ouais, voilà. Donc, pas encore de site internet pour le moment. ans. Il est en cours de. Vous êtes vraiment dans le début de l'activité. Là, on est les premiers, les gars. Ben oui, c'est oui, c'est une première mondiale wallonne. Bon, comment est-ce qu'on vous retrouve alors? Alors, donc, si on veut ma faire page appel à Facebook. Vous. Là, j'ai un numéro de téléphone et directement me contacter via le téléphone. Et c'est quoi le nom de la page Facebook? Birols, donc B-E-R-O-2-L-S. Bon, maintenant parlons du prix parce qu'on est dans une émission de consommation. C'est bien de dire que c'est bon. C'est des produits. J'aime bien ce que vous avez dit, Aurore. On sent bien que c'est de la glace, mais c'est pas de la glace en même temps. C'est assez, oui. C'est assez incompréhensible et c'est difficile à expliquer. Bien, tu l'as très bien fait. Tu vois, mais faut que vous testiez, voilà. Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est très bon. Ça coûte combien? Donc au départ je partais sur un prix de 3,50€ à 4€. Maintenant je me suis vite rendu compte que le travail, parce que la productivité, la rentabilité n'est pas forcément la même que celle d'un glaceur traditionnel qui fait la glace et qui met directement en 30 secondes, qui sert 3 ou 4 personnes. Donc là j'ai dû un peu augmenter les prix. Donc là maintenant je fais sur une base de 5€. Et avec les 5€, vous avez les deux ingrédients, la chantilly et le coulis. Mais vous venez pas à un événement pour 5€? Genre, je voudrais juste un rouleau, s'il vous plaît, venez avec la camionnette et donc, tout le bazar. Tout ce qui est événement oui. Privé, je demande un minimum, donc je demande des frais de déplacement bien sûr, et je demande un minimum de 30 personnes présentes sur place. D'accord. Okay. Parce qu'il faut quand même il me faut un minimum parce que bon, il y a quand même tout un matériel à apporter sur place. Je fais tout maison. Il y a une infrastructure effectivement. Ouais, voilà, donc je fais tout maison, mes coulis, ma crème de base, je fais mon caramel beurre salé, et donc ça met du temps évidemment à tout préparer. Ah ben, découverte, hein. On n'a pas besoin d'aller en Thaïlande pour goûter. Non, c'est ça. Très très bon, super, vraiment super bon. On rappelle la page Facebook. Donc Birols, B-E-R-O-2-L-S. Tout simplement. Merci Julien Evrard d'être passé dans notre studio. Alors, on est d'accord qu'il y a tellement de choses là à manger qu'on va continuer pendant Coq Robin. Hein. Vous allez nous faire un truc ou deux et on va continuer à faire tourner la machine. Ah ouais, non, c'est bon. C'est vraiment trop bon cette histoire. Coq Robin, The Promise You Made, c'était en 1986 ça. If I lay down my love to come to your defense. Worry for me with a pain in your chest. Could I rely on your faith to be strong? To pick me back up and to push me along? Tell me. Turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Dégustation dans la glace, on va faire une pause tout simplement dans l'émission parce qu'il y a les infos de midi qui arrivent, on revient derrière. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond. Enfin, c'était chouette, quoi. Et puis, ça sentait bon, le neuf. Et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Oui, mais ça, c'était avant. Hein. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant. Avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. Ces 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Que préférez-vous dans les foires au vin? Les bons crus ou les bonnes affaires? Chez Intermarché, on vous propose les deux. Comme ce Côte-du-Rhône Village Vieille Vigne 2015 médaillé en 3 plus 3 gratis, soit seulement 3,29€ la bouteille. À découvrir absolument. Parole d'expert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites-le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec vous, Delphine Vreux, bonjour. Bonjour, ils ont été jusqu'à voler des urnes funéraires. Des voleurs de métaux ont vandalisé le cimetière de Mont-sur-Marchienne près de Charleroi. Ils ont agi dans la nuit de mercredi à jeudi, mais on l'apprend seulement aujourd'hui. Les voleurs ont forcé une cinquantaine de colombariums et ils sont repartis avec plusieurs urnes en métal. La police locale ouvre une enquête. Discuter de l'avenir des travailleurs de l'usine Caterpillar de Gosselies et des autres impactés. Les patrons Carolo et parmi eux les plus gros employeurs de la région ont été reçus ce matin par le ministre président wallon Paul Magnette. Une rencontre pour coordonner les offres et les demandes d'emploi. Certains patrons ont déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés par des profils de travailleurs de Caterpillar ou des sous-traitants. Comme Jean-Jacques Cloquet, écoutez le patron de l'aéroport de Charleroi, il participait à la rencontre. Il y a déjà des décisions qui se prennent chez certains sous-traitants. Des sociétés d'intérim, malheureusement, se voient leur contrat arrêté, et ainsi de suite. Et donc, des gens vont se retrouver assez rapidement sur le carreau. Donc, autant savoir rapidement la base de données disponible au Forum pour offrir des possibilités de réinsertion à ces personnes. Et donc, voilà, c'est toute une panoplie. On le prédit, tiens, pourquoi le monde hospitalier? Mais par exemple, le monde hospitalier cherche des informaticiens. Donc, il faut penser à tous les métiers. Alors, on peut se dire, oui, mais est-ce qu'un soudeur agréé va venir à l'aéroport de Charleroi? Probablement pas. Mais n'oublions pas que dans tous les sous-traitants, il y a aussi le monde du gardiennage. Il y a le monde du nettoyage, il y a le monde de l'horeca. Ça touche un peu tous les métiers. Donc, il était important, en tout cas, par rapport à des sociétés qui ont quand même une grandeur économique dans la région, de se voir et surtout d'assurer une cohérence, une coordination. Les explications du patron de l'aéroport de Charleroi, il était au micro de Maxime Paquet. Et comment survivre à la fermeture de l'usine? Comment survivre quand on perd un tel client à son bref? L'usine Carwal fabrique des cabines pour les engins de chantier de Caterpillar. 220 membres du personnel et un conseil d'entreprise ce matin. Mais l'impact de la fermeture de l'usine de Gosselies ne peut encore être précisé, même si les conséquences sont inévitables. Un train déraille dans le nord-ouest de l'Espagne. Le bilan, au moins 3 morts et plusieurs blessés. Le train reliait Vigo au Portugal. Le train passager a déraillé près d'une gare. Il devait s'y arrêter quelques mètres plus loin. Les premières photos montrent l'image d'un pylône électrique. L'accident s'est produit en Galice, encore marqué par le souvenir de l'accident de Saint-Jacques-de-Compostelle. 80 personnes avaient péri dans cet accident de train en 2013. Une nuit dans les airs, mais dans le froid aussi, et surtout coincée dans une télécabine de la compagnie du Mont-Blanc. Mais ce matin, tous les passagers ont pu être secourus. Des câbles s'étaient entremêlés. Accident très rare. Écoutez les explications de Mathieu de Chavannes, de la compagnie du Mont-Blanc, qui exploite les télécabines. On a réussi à décroiser les câbles, en fait, ce matin, vers 7h, 7h15, ce qui nous a permis donc de les évacuer par la télécabine plutôt que de les évacuer avec des hélicoptères, ce qui est beaucoup plus rapide et plus confortable pour eux, surtout après une nuit en haute montagne. Dans quelles conditions est-ce qu'ils ont passé la nuit ? Alors, température de 2 degrés à l'extérieur, avec, à l'intérieur des cabines, il faisait probablement 5 ou 6 degrés. Ils avaient des couvertures de survie et de la nourriture, plus des sauveteurs qui avaient pu être acheminés pour les encadrer. Nous, on était en contact avec eux par téléphone pour les rassurer et leur expliquer l'évacuation qui allait se produire ce matin si on avait recours aux hélicoptères. Il y a eu quelques moments de panique ou d'angoisse parmi vos passagers que vous aviez en ligne régulièrement. Il y a eu deux personnes qui ont eu un peu des crises d'angoisse, mais ça c'était hier. Et fort heureusement, c'est les deux premières qui ont pu être évacuées par hélicoptère. Une interview signée France Info. C'est toujours l'événement de la rentrée, le Mémorial Vandamme, 40e édition ce soir. Un moment très attendu, très très attendu par les filles du relais 4x100 mètres des Jeux de Pékin. Elles vont recevoir leur médaille d'or 8 ans après, puisque la Russie a dû rendre sa médaille après un contrôle antidopage positif. Et le Belge est champion d'Europe dans la récolte de piles usagées, avec 2800 tonnes rapportées dans les collectes l'an dernier. Celui qui a compté est arrivé à 115 millions de piles récoltées. En Belgique, il y aurait des points de collecte tous les 400 mètres environ. Anne-Michel Vlouberg, attention, des fûts de bière tombés sur l'autoroute 40. Et effectivement, on sera le tronçon de Gand-Bruxelles avec un camion sur le flanc également, hauteur de Ternate. La bande droite est donc neutralisée, une circulation ralentie. Vous perdez là 50 minutes en direction de Bruxelles. On a également des files de curieux dans l'autre sens en direction du littoral. Accident par ailleurs, toujours les suites du mois sur le 40 Bruxelles-Ostende, hauteur d'Alter. Passage difficile dans la bretelle de sortie en direction d'Ostende. Et puis, défile sur le ring de Bruxelles. Vous perdez encore 6 petites minutes en circulation extérieure entre Zaventem et Grand Bigard. Et puis toujours les suites de l'accident sur le 40 Bruxelles-Liège. À hauteur de Votem, la bande gauche est encombrée en direction de Liège. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. On termine l'émission, puis on va sur la E40 pour prendre l'apéro. Plus, bien, merci Delphine. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Ah, on est très rouleau aujourd'hui. Pendant que notre ami nous fait toujours des rouleaux glacés là derrière, on va parler de rouleaux de printemps. Oui, on reste en Asie. En fait. On reste en Asie. Donc on a les rouleaux de verre. Ça fait des rouleaux là-bas. Oui, ces gens adorent rouler. Et qu'est-ce qui se passe avec les rouleaux de printemps ? Mais d'abord, c'est un défi, je peux le dire maintenant, parce que la plupart des gens qui sont là ne seront pas en plateau télé tout à l'heure. Mais donc ce sera un défi de rouler des rouleaux de printemps. Ah, il va falloir faire des rouleaux de printemps. Rouler sous les aisselles et tout ? Non, ça se roule avec les. C'est super gai à faire en D'accord. plus. C'est très gai à faire, mais c'est quand même plus technique que d'autres roulades. D'accord, on parle l'occasion de parler des roulades à travers le monde. On est d'accord. Il y aura le tip-top des infos concon, des infos soso, aussi les cas résolus avec Annie pendant la semaine. Et on n'oublie pas la question sur la page Facebook, elle concerne les araignées. Oui, on vous demande si vous avez peur des araignées et si vous en avez peur, comment vous faites pour vous en débarrasser ? Vous voulez un petit commentaire ? Si on mange de la glace avant de parler, c'est embêtant. Allez, Damien, je viens de tester l'huile essentielle de menthe. Elles sont toutes sorties de leur tanière en 3 jours. Les chats se sont régalés. J'ai retrouvé des cadavres chaque matin. Le chat ? Maintenant, je ne sais pas si c'est efficace. Les chats mangent des araignées ou... Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, apparemment, ils finissent pas. Continuez le débat, puisqu'Aurore ne peut pas aller plus loin, vu qu'elle a la bouche pleine de glace. Sinon, il y a de la musique aussi dans cette émission. Avec Georges Ezra et Puggy. Si vous passez à table, excellent appétit. Moi, je goûte. Qu'est-ce qu'on a ? Tu nous as fait quoi là ? Ferrero Rocher, caramel beurre salé. C'est une tuerie. Bon appétit donc si vous passez à table. On ne parle pas la bouche pleine. C'est difficile, mais en même temps, ça fait saliver les gens. À peine au fond d'une fiole, sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. Coq. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. Des supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tout est pétale. Alors j'écoute du Miles Davis. Navi sur Vivacité, il aurait pu écouter du Grand Jojo, il a choisi Miles Davis. On n'est pas des pigeons. Carlo, oui, on reste dans les rouleaux après les rouleaux oui. Glacés, les rouleaux de... Rouleau glacé. Si, écoute la machine, écoute. Avant, ça va. Tu entends la ronflette? Parce que finalement, rouleau de printemps, on m'en fout un peu. Moi, je suis venu là pour bouffer. Voilà, c'est ça. Bon, donc voilà. Rouleau de printemps au menu du jour, oui. Alors que l'automne arrive. Exactement. C'est un peu bête. Mais le rouleau de printemps, il reste printemps toute l'année. C'est beau ce que tu dis. Donc, alors, on le confond parfois, le rouleau de printemps, avec les nems croquettes impériales, ou souvent les immenses lumpia. Vous savez, les lumpia, c'est toujours des gros. Ouais. Et non, le rouleau de printemps, c'est quelque chose qui n'est pas cuit. Donc, c'est une feuille de riz que l'on va farcir d'une farce de vermicelle de riz, des feuilles, de l'amande, de la salade, des crevettes, de la viande de porc, des pousses de soja. On dit toujours pousses de soja. En fait, c'est pas du soja, mais on l'appelle soja, c'est du haricot mungo. Ça n'est pas très important, mais je trouvais que cette vérité historique devait être rétablie aujourd'hui. Le tout. Alors le problème de cette feuille de riz qu'on va devoir rouler, c'est qu'il faut la tremper ni trop ni trop peu. Si tu la trempes de trop, eh bien ça se déchire. Si tu ne la trempes pas assez, tu ne sais pas rouler. Ah bah oui. Voilà. Et donc le tout doit être au final roulé, serré et trempé dans une bonne sauce. Sauce brune avec des cacahuètes. Une sauce brune avec des cacahuètes. Et quoi, alors, il y a une infinité de façons. J'allais dire, tu mets quoi dedans dans la sauce ou dans Non, des vermicelles, des crevettes, des feuilles. Mais quoi, tu peux mettre de la viande si. Oui, tu peux mettre. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Oui, tout ce qu'on veut. Mais il y a des rouleaux végétariens, il y en a avec plus de viande. J'en ai fait un jour au magret de canard et vinaigre balsamique. D'accord. Ça fonctionne très bien. Et il y a moyen d'en faire au boulet sauce lapin ? Oui. Il suffit de bien tasser les boulets avec des vermicelles. Ils ne bougent pas. Et donc, cette roulade, c'est vraiment un plaisir à faire. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Je signale qu'il y a des enseignes qui commencent à apparaître, notamment dans notre belle capitale, où on ne mange que des rouleaux de printemps. Et c'est quand même beaucoup plus léger que le nem, qui est une version frite, un petit peu du rouleau de printemps. Vous savez qu'il y a des roulades dans le monde entier. Mais quoi de toutes sortes de choses. C'est ça. Oui. Par exemple, vous avez les feuilles de vigne grecques. Ah oui, c'est pas grec, c'est pas uniquement grec. toute la Turquie, tout le Caucase mange des feuilles de vigne qui peuvent exister en version à la viande et riz rond, ou des versions froides à base de riz, de pignons de pin et de raisins secs. Oh, ça prend juste des plombes, mais le principe du roulage, c'est toujours le même, c'est-à-dire que tu replies les bords, ouais. Tu mets la farce au début et tu roules bien serré. Et évidemment, il y a aussi le chou farci de chez nous, la belle feuille de chou bien farcie avec du bon haché, porc et veau, ouais, les cannelloni de chez moi. Ah ouais, ouais, c'est ouais, aussi ça, une c'est très bon, très belle ça. Roulade. Des oiseaux sans tête, évidemment. Ah, c'est bien. Une roulade. C'est considéré comme une roulade, ça? Ah bah oui, c'est un roulade, mais il n'y a pas de tête. Que tu roules. C'est un truc que tu roules. Le lumpia indonésien, il faut quand même le citer, même si souvent c'est quand même frit de manière très très très très lourdasse. Et l'Amérique du Sud, ils ont les burritos. Mais voilà, tu précèdes ma pensée. Vous connaissez la différence entre le taco, le burrito et la fajita, bien entendu. Donc le taco, c'est ce truc qui c'est plus rigide. Oui, c'est un peu rigide et c'est comme un creux, comme une tuile. Comme une pita. Oui, comme une pita, mais que tu ne sais pas... C'est dur. Hein. C'est dur. Oui, c'est dur, c'est rigide. C'est dur. Et le burrito, c'est une tortilla de maïs qui est roulée et repliée sur elle-même de manière à la rouler bien serrée. Pourquoi ça s'appelle burrito petit âne? Parce que c'est comme un paquetage que tu mets de chaque côté de la selle de l'âne. Oh, vois-tu? C'est mignon, ça. Et la fajita, c'est juste quand la crêpe de maïs est juste là, pliée n'importe comment. Ça ne ressemble à rien. C'est pas ça que l'on veut manger, bien entendu. Donc, tout ça pour vous dire que le monde merveilleux, on pourrait faire 200 chroniques sur les roulades et comme ça, on aurait un boulevard devant nous et on pourrait faire des défis jusqu'au bout de l'année. Mais simplement, ce soir, en télé, on va prendre quelques victimes au hasard et ils vont devoir sentir un petit peu cette histoire de assez trempé, mais pas trop trempé, qui est quand même très très importante pour pouvoir se régaler de rouleaux de printemps bien trempés dans la sauce comme il faut. La sauce, un petit mot, on part d'une sauce hoisin, c'est la sauce à base de haricots noirs qu'on vous sert avec le canard de Pékin. D'accord. Vous voyez le canard roulé dans les crêpes. Et on mélange cette sauce hoisin que l'on trouve dans le commerce avec du beurre de cacahuète. Mm-hmm. C'est très bon. Et on dilue avec un petit peu d'eau. Et dessus, on remet des cacahuètes grillées, concassées par-dessus. Au niveau calories, ça va? Ben oui, mais le rouleau de printemps en lui-même, c'est 50 calories. La sauce, c'est 1000. C'est 1050. Qu'est-ce que tu peux manger sur un repas? Puisque tu peux manger 1000 calories par repas, à la fin de la journée, c'est 3150 calories. Il ne reste qu'à faire 1h30 de jogging et tu es dans les 2000. C'est bon. C'est bon, c'est parfait. Okay. On vient de manger pour 1000 calories. C'est pas grave. On va assumer. Écoutez, aujourd'hui, c'est la journée de tous les excès. C'est vendredi. C'est vendredi, hein. C'est pas très, très grave. Dans quelques minutes, après Georges Ezra, on fait le point sur les cas résolus avec Annie durant cette semaine. Shopping. Dès 17h, à moi la liberté et le plaisir. Les Happy Fridays du Walibi Shopping m'offrent quelques heures zen et branchées. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Walibi Shopping. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60€ par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Ma copine Maya, parfois elle a carrément pas 10 heures, alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info, ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230€ sur l'avenir.net/rentrée. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez.

Cette semaine, Annie est parvenue aussi à ses fins concernant un petit problème qu'avait Jacques. Jacques avait commandé plusieurs albums photos sur le site photobox.be. Il a vite déchanté quand il a vu les albums arriver chez lui. Ça ne correspondait absolument pas. Il y avait un décalage au niveau des photos. Les couleurs n'étaient pas top. Bah, résultat, on lui proposait un remboursement, mais il les attendait toujours. Vendredi, fin d'après-midi, il m'envoyait un petit mail en me disant qu'il créditait mon compte du montant qu'il me proposait de me rembourser, ouais. Avec en cadeau une impression de 5 calendriers. Voilà. Bah, c'est plutôt bah, c'est une bien bonne ça. Nouvelle. Et vous avez vérifié votre compte est déjà crédité ou bien mon compte est crédité. Il a été fait samedi. Dites donc, mais parfait, ça. Affaire rapide. Mercredi, on se demandait où était Brian. Brian et c'est in the kitchen comme d'habitude. Il était très embêté après avoir reçu une mise en demeure de 3 Suisses. Le problème, c'est qu'il avait commandé des trucs chez eux, mais qu'il n'avait pas commandé des trucs chez eux. Et on lui réclamait maintenant plus de 500 euros. Annie a pu le rassurer. La responsable de la clientèle va se faire sortir le détail de la commande, mais vraiment, hein, elle va éplucher le dossier. Mais bon, elle est à Paris pour le moment, donc elle ne sait pas le faire aujourd'hui, mais ça ne vient pas à 2-3 jours. Ouais. En tout cas, on va essayer de régulariser la situation, mais ce qu'elle demande, et ça vous devez absolument le faire Brian, et ça vaut pour tous ceux qui recevraient un courrier qui ne les concerne pas, vous devez faire la démarche d'aller déposer plainte à la police et l'envoyer aux 3 Suisses via le site web, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse, mais vous devez absolument le faire. Ça, c'est fait. Et puis on revient aussi sur cette histoire de boule dans la salle à manger de Monique. Ben oui, souvenez-vous, hier, cette boule et cette fissure. On a appelé le magasin de bain où elle avait acheté sa salle à manger. Et on a été un petit peu mal reçus, hein, puisqu'on nous a raccrochés au nez. Mais juste après, on a appelé le siège social. Et là, on est tombé sur quelqu'un de bien meilleure volonté qui a fait remonter la demande. Du coup, on a reçu hier un mail du patron. Alors, je vous lis ce mail. Vous avez tout à fait raison, ce délai n'est pas admissible. Nous avons envoyé un mail le 28 avril. Et j'ai eu l'usine en ligne en juillet me disant qu'ils allaient remplacer le meuble. Je viens de renvoyer un mail. Ils ont repris début septembre après les congés. Normalement, il sera dans le prochain camion de ce mois-ci. Donc voilà c'est rentré dans l'ordre. Que des affaires qui se sont bien terminées. Si vous aussi avez un petit souci avec un entrepreneur en service après-vente quelconque, Aurore, on rappelle le moyen de joindre la rédaction. Il faut expliquer ça brièvement. Oui, vous faites ça par mail par exemple. L'adresse est pigeon au pluriel @rtbf.be. Vous pouvez aussi envoyer laisser un message sur notre page répondeur. Facebook, on n'est pas des pigeons, ou alors laisser un message sur le répondeur 070 220 660. Je cherchais contre vents et marées une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. La lune au ciel étoilé, non rien si tu ne veux pas y croire. Un jour la nuit aura tout changé au fond de toi. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Ouais. Est-ce que t'entends? Et sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? S'épuise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Combien de temps, comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard? N'as-tu vraiment aucun souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire juste là. Est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Dis-leur sous la pluie au fil du temps. Mon corps s'épuise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, tu ne sens même pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu m'entends pas. Je souffle, ne m'oublie pas. Juste là. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie, au fil du temps, mon corps s'épuise, est-ce

it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No. Sur Vivacité avec le titre Soul, Puggy qui sera en concert avec la radio le 9 décembre, ce sera à Forêt Nationale. Tip Top. Place les amis au Tip Top des infos concon, des infos soso, trouvées un petit peu partout, beaucoup sur internet, hein, parce que c'est dingue le nombre de trucs qu'on voit sur internet. Ça vous branche ? Oui. Ah ouais. Il y en a 5. Super. Ah. On est parti. Numéro 5. On commence avec cette très très mauvaise aventure, vilaine aventure, mauvaise surprise. Pour une famille de Haute-Allen, on est dans le Limbourg, en Belgique. Ils achètent une maison, 160 000 euros. Ils visitent la maison, enfin maison normale quoi. Et puis une fois que l'acte est signé, ils vont dans la maison. Ils se rendent compte que... tout est parti. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de cuisine. Reste une cuvette de WC. Mais non. Et ça, c'est un petit peu bizarre. Alors, les agents immobiliers disent évidemment que c'est un cas extrêmement rare. Selon les notaires, c'est totalement illégal parce que tout ce qui est fixé dans la maison appartient à la maison. Et en profite pour donner ce conseil à tous les candidats acheteurs. Le jour de la signature de l'acte, allez juste avant revisiter la maison avec le propriétaire avant de signer pour être sûr que rien n'y disparaît. Mais là, il n'y avait plus rien. Quelle mauvaise blague. Plus de porte, plus de salle de bain, plus rien. Là, là, là, là. Ça, c'est horrible, cette histoire. Numéro 4. On part dans un centre commercial bondé. On est en Chine. Un jeune homme décide d'acheter 999 Oui, c'est déjà pas mal. Des pomelos, c'est des fruits qui se classent un peu dans la même famille que les pamplemousses. Donc oui, quoi, des gros trucs verts. Gros trucs. Là, ouais. Il fait un joli cœur sur le sol. Je rappelle qu'on est dans un centre commercial bondé. Il prend le micro et puis il s'adresse à une jeune femme qui s'appelle Mumu, mais pas Muriel, c'est Mumu, mais en chinois. Il lui dit « Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Maintenant, je veux que tout le monde le sache. Veux-tu être ma petite amie ?» Réponse de Mumu devant une foule ménagée qui attendait le premier baiser. « Je n'aime pas les pomelos. Je ne t'aime pas de la même façon. Je t'ai toujours vu comme un bon ami, mais je vais garder les pomelos. Et voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Moi, j'ai toujours dit, hein, jamais de déclaration d'amour en public. Ah non, quelle horreur. Aurore. Oui, non. Ah non. Bon, on passe au numéro 3. Numéro 3. C'est l'histoire de Jason et Victoria Jones. On est en Grande-Bretagne. Ils sont mariés depuis un mois quand ils remportent 2 millions de livres sterling à la loterie. Ok, ça va. 10 ans plus tard, elle se casse. Oui. Parce qu'elle a trouvé un mec qui avait gagné 222 millions à la loterie. C'est pas vrai. Et après, on viendra elle a de la chance, elle. On viendra dire que les femmes sont vénales. Mais non, mais non, mais non. Et visiblement, d'après la presse britannique et d'après la loterie britannique, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Et la fille expliquait dans les tabloïds anglais que dès qu'ils ont gagné à l'Euromillion, leur vie a changé. Et on l'a toujours vu comme la femme qui a gagné beaucoup de sous. Donc, et ça a foutu un peu le bazar dans les amis et dans le couple. Mais pas folle la guêpe, elle a trouvé. Oui, elle n'est pas partie pour qu'elle... Non. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais il y a déjà eu un truc comme ça où la nana s'était barrée aussi. Elle avait gagné 40 millions d'euros de livres sterling. Elle s'est barrée pour un type qui en avait gagné 140 millions. Donc voilà, c'est un métier. Voilà, c'est... Oui, c'est ça, mais oui, comment est-ce qu'elle fait pour les trouver ? Je n'en sais rien. Parce que ça m'intéresse. Aurore est partante. Si toi, tu as gagné beaucoup de sous à la loterie, Aurore est là. Numéro 2. Ah, y a plein de gens qui vont aimer l'info suivante, d'autres moins. Je ne sais pas pourquoi, c'est les femmes qui vont peut-être moins apprécier, les hommes peut-être. C'est Victoria's Secret, la marque bien connue de sous-vêtements, qui a décidé de lancer une nouvelle mode. C'est en gros que tout ce qui est dentelle et soutien-gorge ne doit plus rester caché. Donc, va au travail en nuisette, madame, mais juste une petite veste de tailleur au-dessus et fait profiter tout le monde. Alors, les hommes, bizarrement, sont assez pour. Les femmes disent non, merci. Quand je veux sortir, j'achète des vêtements ou des trucs genre ça doit être un homme de la direction qui a eu cette idée. Et la suite, c'est quoi ? Sortir en petite culotte ? Eh bien oui, pourquoi pas vous... Mais c'est quoi, c'est leur campagne de com ? C'est leur campagne, leur nouvelle campagne de pub. C'est voilà, t'as une nana en tailleur, tout chicos, mais avec une petite nuisette en dessous, en dentelle. C'est que si vous iriez travailler comme ça, Aurore ? Non. Saskia ? Je vous préviens tout de suite, pourquoi non. Pas hein. Ah. Et on sent qu'elle est stagiaire. Hein. On va proposer ça à Annie peut-être pour la prochaine fois. Oui, à Annie, à mon avis, ça devrait lui plaire. Dans l'équipe, nous garderons Saskia. Faut tout essayer. Et on termine avec l'info de la semaine. Numéro 1. C'est de la musique, écoutez ça. Vous me dites à quoi ça vous fait penser. C'est un disque qui sort en octobre. C'est Jean-Michel Jarre. Non, pas du tout. Mais non, il y a comme un ronflement derrière. Voilà. Musique il y a des ronronnements. Ah, ben il y a un chat qui ronronne. Il y a des bruits de miaou. Ah, oui. C'est Universal. C'est pas n'importe quoi. C'est le label Universal qui vient de lancer sur le marché un album, qui va lancer sur le marché un truc qui est encore inexploité. C'est la musique pour chats. Ah, c'est pour chats. Oui, c'est une musique à destination des chats uniquement. Mmh. Tu sens, en fait, il y a des petits ronflements, des petits gratouilles, des petits... Bruits de pattes. Des petits, voilà. J'espère qu'ils ne sortiront pas de musique pour Les Inséparables. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu le boucan que non, ça fait, ces oiseaux-là. Ça fait quoi ? Oh, ça fait beaucoup de bruit, Les Inséparables. Non, mais il y a un marché. Si on sort la première musique pour chat, la première musique pour chien va suivre. Bah, et c'est puis, ça. Ça va être un petit peu bizarre. Je ne sais pas qui achètera ça. C'est en vente à partir... C'est pour apaiser les chats ? Du mois d'octobre. C'est pour apaiser les chats, oui. Mais en même temps, il y a un côté un peu apaisant aussi. Hein. Oui, c'est pas désagréable. Non. On ne peut pas dire non plus que c'est du Mozart, mais... On ne peut pas dire que ce soit agréable non plus, mais... Non, c'est pas... c'est ça. C'était le tour des infos concon et des infos soso de la planète. Nous vivons dans un monde merveilleux. On rappelle que dans un instant, on va sur Facebook pour lire la question du jour. Oui, la question on du parle jour. D'araignées.

I miss you when I can't sleep. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. Gnash sur Vivacité. L'album s'appelle US, ça vient de sortir et le titre c'est I Hate You, I Love You. Et il dit fuck plein de fois dans la chanson, c'est pas bien. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, ils ont oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. On n'est pas des pigeons. Le vendredi, c'est pas un coup de gueule qu'il nous faut en fin d'émission, c'est un coup de cœur, histoire de terminer en beauté. C'est Janine qui est heureuse. Mais oui, on a commencé l'émission en vous parlant des lettres qui arrivent de manière un petit peu spéciale avec la poste. Vous savez, on a fait l'expérience avec un dessin pour voir si ça arrive. Ça arrive à destination. À la place de la maîtresse, ouais. C'est ça. Et alors, Janine nous envoie son petit commentaire à elle. C'est l'histoire de sa sœur qui s'appelle Christine et qui habite à Louette-Saint-Denis, près de Jeudine. Elle a envoyé c'est une lettre. Belle région, ça, bien. C'est beau, hein. Et elle a envoyé une lettre à Cécile Abbé, près de Namur. Et sur l'enveloppe, comme elle était jeune à l'époque, elle avait uniquement marqué « Pour Cécile de B ». Oui. C'est tout ce qu'elle a mis. Et en plus, elle s'était trompée, elle n'avait même pas pris un vrai timbre. Elle avait mis un timbre Moneta. C'était les timbres de fidélité qu'on d'accord avait dans les commerces de proximité à l'époque. C'est arrivé. Et c'est arrivé, donc c'est bien arrivé. Et en plus, le papa de Cécile de B oui est philatéliste. D'accord. Et il a gardé. Et il a gardé ça. Il a remporté un concours parce que c'était un timbre qui n'existe pas. Ouais. Et qui était oblitéré ah, par d'accord la poste. Mais juste, ah oui, effectivement. Ah, oui. Bon, bah, une belle voilà, histoire. Il y a plein de belles histoires avec oui la poste, effectivement. Vous pouvez continuer à nous en envoyer. C'est vrai que c'est assez mignon. Si vous avez d'autres choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe, mais pas que sur Facebook. Hein. Oui, vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse est pigeon@rtbf.be. Et vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur 070 222 660. La dernière émission télé de la semaine, on va la préparer. On vous retrouvera sur la une à partir de 18h30. Et l'après-midi, on la passe avec vous, Sylvie Honoré, oui, La Vie du Bon Côté. Oui. Et on va changer d'alimentation. Oui, changer d'alimentation, c'est même pas « et si vous changiez d'alimentation ». Non, c'est changer d'alimentation. Professeur Henri, comment ? Pour la santé. Pour la santé. Bien sûr. Bonjour professeur Henri Joyeux. Bonjour. Merci de venir de Paris. Là, vous venez de Paris directement. De Paris et de Montpellier. Je repars demain sur Montpellier, après je vais en Aragon. Ah oui, bah je vais oui former des malades atteints de cancer pour qu'ils apprennent à mieux manger, ouais, à mieux respirer, ouais, à être plus en forme, ouais, et à considérer que leur cancer, c'est une banalité. Ouh, ça va déjà fort, ça. Hein, voilà. Ça c'est déjà fort. Enfin, voilà. Je sais qu'avec vous, vous n'avez pas de langue de bois, donc je sais qu'avec vous, à mon avis, ça va faire bouger un peu les consciences. Bon, changeons nos habitudes alimentaires. Voilà, professeur Henri Joyeux qui nous aide en effet à rester en très bonne santé ou à la retrouver au plus vite. Voilà, et vous dites aussi, n'hésitez pas à en parler à votre médecin d'ailleurs. Parlez-en avec votre médecin, hein, professeur Henri Joyeux. Il faut parfois que les patients forment les médecins. Oui. Oui, on a beaucoup de choses à se dire en tout cas, l'un et l'autre. À se dire. Ben, mais il faut que les médecins écoutent avec délicatesse d'une part et puis un peu d'humour aussi, oui. Parce que l'humour c'est bon. Mais quand je dis quand on a beaucoup de choses à se dire l'un et l'autre, c'est le patient et le médecin, vous voyez, parce que qui se connaît le mieux ? C'est le patient. Exactement. Hein ? Exactement. Bon, allez, changeons d'alimentation. Donc avec le professeur Henri Joyeux, 2 heures sur le sujet. Vous serez à mon avis nombreux à commenter, à témoigner, à poser des questions. 070-23-33-23, SMS 30-63, cap sur la meilleure des santé, on va dire. Juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Caroline Gilet, que voici. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Très belle journée à tous. 20 à 25 degrés sous un beau ciel bleu, voilà ce qui attend toutes les régions cet après-midi. Ce soir et cette nuit, pas beaucoup de changements, ciel généralement bien dégagé, des minima qui vont s'établir entre 11 et 14 degrés. Et puis demain, de fins nuages d'altitude vont s'inviter sur l'ouest du pays en matinée. Des nuages qui vont se faire plus épais dans le courant de la journée, en particulier sur le bord de mer où on pourra avoir un peu de grisaille. Le centre et l'est en revanche vont encore bénéficier d'un temps très lumineux. Il va faire chaud demain aussi avec 23 à 27 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, une perturbation va glisser sur la Belgique. Elle va donner quelques gouttes, tout au plus. Ce qui fait que dimanche, même si on aura un temps généralement sec et 20 à 25 degrés, eh bien on aura tout de même plus de nuages. Excellent après-midi à l'écoute de Vivacité. Il est 13h. Voici le titre du 13h. Une semaine après le coup de massue, on s'organise autour de Caterpillar Gosselies. Les banques sont prêtes à intervenir pour tenter de sauver les entreprises sous-traitantes et les travailleurs les plus touchés. 33 personnes viennent de passer la nuit dans un téléphérique à 3200 mètres d'altitude. Ce n'était évidemment pas volontaire. Elles prennent malgré tout leur expérience avec philosophie. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal aussi, un point sur le mémorial Van Damme et un fameux 400 mètres ce soir. Il pourrait voir s'affronter 3 borlées.